إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فقد مر بنا أن تكلمنا عن دروس رمضان Ô serviteur d'Allah, nous avons vu lors des sermons précédents, nous avons abordé le sujet des leçons de Ramadan. فشهر رمضان له دروس كثيرة جدا. Le mois de Ramadan comprend beaucoup, énormément de leçons profitables pour le musulman et cela durant toute l'année. وقد ذكرنا بعضها, nous avons cité certaines de ces leçons. واليوم نذكر لكم درسا من دروسه وبه نختم هذه السلسلة مع أنها تحتاج إلى خطب كثيرة. Aujourd'hui, on va citer inshallah ta'ala une leçon parmi celles de Ramadan et c'est avec cette leçon qu'on va achever cette série bi'idhnillahi ta'ala, mais tout en sachant qu'en réalité il faut beaucoup plus que trois khutbas pour aborder ce sujet, pour méditer sur les diverses leçons que nous pouvons tirer du mois de Ramadan. Ayyuha al-muslimoun, min durusi Ramadan ahammiyatu tawba wal istighfar. Ô chers musulmans, il y a parmi les leçons de Ramadan l'importance du repentir et du fait d'implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fal muslimun fi hadha ash-shahr yajtahidun fi as-siyam wal qiyam. Limadha? Et donc les musulmans pendant ce mois, pendant le mois de Ramadan, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez chaque année, ils s'efforcent dans le jeûne et aussi la prière nocturne. Mais anna ba'd al-muslimin qad yakunu fi taksir shadid fi ba'd al-ibadat. Alors que certains musulmans, on peut voir chez eux un grand manque dans certaines adorations. Par contre, siyam ou al-qiyam, mawjoudoun. Par contre, en ce qui concerne le jeûne et la prière nocturne, alors là, ils sont présents. Pourquoi ? Mahiya al-illa. Quelle a été la cause de cela ? Ta'ammalou ayyuha al-ikhwa fi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Man sama ramadan imanan wa ihtisaban. غفر له ما تقدم من ذنبه. Méditez, oh chers frères, sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne Ramadan en ayant foi et espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. وكذلك في القيام. Et aussi le même hadith concernant la prière nocturne. Faha ulai muslimun yarghabuna maghfirata dhunubihim. Et donc ces musulmans, ils veulent le pardon de leurs péchés. Nous voulons le pardon de nos péchés durant ce mois béni, le mois de Ramadan. وكذلك أيها الإخوة تأملوا في قول نبيكم لما سئل عن ليلة القدر هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. Méditez, oh chers frères, concernant la parole de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé concernant la nuit du destin, cette nuit qui est meilleure que mille mois. Mais anakulu fiha, que devons-nous dire durant cette nuit? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, tu es clément et pardonneur, alors pardonne-moi. فهذه تربية. Ceci est une éducation. يحثنا على الاستغفار في خير الليالي. Il nous incite à implorer le pardon durant la meilleure des nuits. هكذا ينبغي أن يكون المسلم في سائر الليالي. Et c'est comme ça que le musulman doit être durant les autres nuits. إذن أيها الناس اعترفوا بضعفكم وتوبوا إلى ربكم تنالوا رضوان ربكم. Et donc, oh chers frères, admettez votre faiblesse. Repentez-vous à votre Seigneur afin d'atteindre son agrément, le paradis. Nous devons admettre que notre faiblesse, ô serviteur d'Allah, et beaucoup nous repentir. والله تبارك وتعالى في كتابه أثنى على التائبين. Allah dans son livre, il a fait l'éloge de ceux qui se repentent. On a déjà vu ici dans cette mosquée, dans un cours, que les gens ne sont pas habitués à l'istighfar. Les gens ne sont pas habitués au fait de faire beaucoup d'istighfar. Ils ne sont pas habitués à ça. Si tu vois quelqu'un qui dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, les gens disent mais qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comme si ce n'est pas normal. Alors que c'est ça la normalité. Le fait qu'on implore beaucoup le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a fait l'éloge dans son livre de ceux qui se repentent. فَذَكَرَ أُمُورًا مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا. Il a cité certains éléments parmi les délices de ce bas monde. Puis il dit tabaraka wa ta'ala, قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. Dis, puis-je vous informer de ce qui est meilleur que tout cela, tous les délices de ce bas monde? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Pour ceux qui ont été pieux, pour ceux qui ont été pieux, il y aura des paradis, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ. Et des épouses purifiées et un agrément venant d'Allah. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Et Allah voit clairement ce que font les serviteurs. فذكر الله تبارك وتعالى هذا الجزاء للمتقين. Allah il a cité cette récompense pour les pieux. من هم المتقون. Qui sont les pieux? وصفهم الله تبارك وتعالى. Allah après cela il a décrit les pieux. Il nous a montré quelles sont leurs caractéristiques. Il dit تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا. Ceux qui disent, ô Seigneur, nous avons eu la foi Alors pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. Thumma fassala tabaraka wa ta'ala akthara fa akthar. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a encore détaillé les caractéristiques des pieux. Et il a dit, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent, ceux qui implorent le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala en fin de nuit. Ayyuha al-ikhwa, ta'ammalu fi qawli rabbikum wa akthiru min istighfarihi tabaraka wa ta'ala. Ô chers frères, méditez sur la parole de votre Seigneur et implorez beaucoup son pardon. Il est certes capable de toutes choses. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الاستغفار min sifati nabiyikum. Oh chers frères, le fait d'implorer le pardon d'Allah fait partie des caractéristiques de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu jaa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahi إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة في اليوم. البخاري a cité dans son sahih selon Abu Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit par Allah j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. C'est le messager d'Allah, celui dont ses péchés ont été pardonnés. Qui sommes-nous pour quitter cette adoration, le fait d'implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ayyuha al-ikhwa ta'ammalu fil ayati allati dhakarnaha qabla qalil. Oh chers frères, méditez sur le verset qu'on a cité, les versets qu'on a cités, il y a peu de temps, il y a quelques instants. Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait l'éloge de ceux qui se repentent, et il a cité que cela fait partie des caractéristiques de la piété. Thumma fassal, ensuite il a détaillé, on a dit il a détaillé encore plus. Fadhakara min awsafihim sabr. Ensuite, Allah il a cité parmi les caractéristiques de ses pieux l'endurance. فَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِسْتِغْفَارِ. Il a cité cela juste après l'istighfar. فَإِنَّهُ لَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ مُسْتَغْفِرًا عَاصِيًا لِلَّهِ تَعَالَى. Car il n'est pas convenable que le musulman implore le pardon d'Allah Azza wa Jal tout en lui désobéissant. وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِرَ. Cependant, il était obligatoire d'être endurant. اُتْرُكْ ابْتَعِدْ عَنْ مَا نَهَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ. Délaisse ce qu'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى a interdit. هَكَذَا هَذَا هُوَ الْإِسْتِغْفَارُ الصَّحِيحُ. Ceci est la bonne façon, la bonne méthode d'implorer le pardon d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ مَحْذُورَيْنِ. Les savants, ils ont cité deux éléments dangereux. Le fait d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal wa anta ta'si. Le fait d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal tout en désobéissant. Délaisse le péché et implore le pardon. Thaniyan أن تستغفر الله تبارك وتعالى وتنوي المعصية. Deuxièmement, que tu implores le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais que tu aies l'intention d'accomplir ton péché. Fahal al-istighfar la yasih. Cette demande de pardon n'est pas correcte. Idan alayna jami'an ayyuha al-ikhwa an nukthira min al-istighfar. Faqad sumtum fi Ramadan. Vous avez jeûné pendant le mois de Ramadan. Wastaghfartum rabbakum. Vous avez imploré son pardon. Intaha Ramadan. Le mois de Ramadan s'est terminé. Wala nazalu fi dhafina. Nous ne cessons d'être dans notre état de faiblesse. Wa kulluna nukhti. Et nous péchons tous. Kullu bani Adam khata. Tous les enfants d'Adam pêchent. Wa khilu khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent. Et donc nous devons continuer cela après Ramadan. Wasilou fi hadha al-khair. Continuez dans ce bien, oh chers frères. Ibtaidou anil ma'asi. Éloignez-vous des péchés. Wastaghfirou rabbakoum. Fanas'alou Allah tabaraka wa ta'ala an yatouba alayna. Wa an yusliha ahwalana. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimu s-salat.